fragile, je me retrouve en exil. Si loin de vous, loin de la file, isolé sur ma presqu'île, je vous parle au bout du fil. Je vis dans un autre hémisphère. Au combat, rien que pour vous plaire, pour retrouver l'innocence dans les rues de mon enfance. Car oui, j'aurai un jour un jardin en ville, un jour un jardin en ville, un jour un jardin en ville. J'aurai un jour un jardin en ville, un jour un...